bled, métissage entre deux guerres, leur fait ressentir ces durs, donc j'ai défoncé ces murs, ils ont tiré à vue, le pire à venir, je te le dis, j'y vivrai mon triste avenir tendu, de gosse écorché vif, de corse vif, ils se sont entretués depuis le boss du vis, de bis du vis, gravé dans l'écorce, l'amour que t'as tué, partout dans le même galion, nos chiens dealers, allez, vas-y dealer, vas-y dealer, slave de Dieu, je suis, pour le reste c'est mal, comment ne pas rester, tu meurs exécrable, dis-moi ici, sans ligne de front, je reste offert, dis-moi, 10 ans, tôt au fait, venons-en au fait, prête, belle, aide, Panama, Brapalon, tous ces combos, pour combien t'exécutes, on vit dans des conditions exécrables, et vu la montée de la marée sociale, on s'en sortira pas, etc. On est unis, que quand on est démunis, on bat que pour la monnaie, et même pas pour de monde nous connaît. Moi j'ai pas le temps pour me la péter, ou de faire le bédé, et quand j'ai les yeux pétés, pour mieux guider mes idées. Et si tu sens mon rap triste, c'est peut-être que tu réalises qu'il est réaliste. Parce que la vie est raciste, elle est pleine de racistes. Les deux personnes qui ont perdu leur racine, parfois j'ai même plus quoi faire, ni quelle coiffure, tellement d'être, ils m'endettent. Mon envie de dire d'autant, je m'entête. Mais j'ai un moral d'acier, soutenu par un appétit carnassier. Comme tous ceux qui attendent d'être graciés. Car dehors, comme dedans, on vit insalubre, en s'accrochant bêtement à des rêves relubus. 9-7-4-9-4, toujours pas de limite. Toujours pas de limite, toujours pas de limite. Tu as d'autant plus de petit courage. Peut-être pas de chaud, petit courage. C'est la war ce soir, la chasse aux morts est ouverte. Sois vaillant soldat, il ne faut pas que tu désertes. Cherche pas, entre eux et nous y'a trop d'écart. On est soudés comme en temps de guerre, parce que ces deux cars nous entendent guère. Couleurs exécrates, Babylone neuromalade. Système racisme, haine, discours xénophobe. Approuvé par un tas de boutards de salade. Arnaque et imposé à essayer de bouffer chaque jour cette vie. Avec ce coup fade, de la mort avant la réussite. Beaucoup de courage, élever ses mômes loin de ses terres. Et perpétrer les coutumes par la suite. Étranger dans ce pays ou ailleurs, la différence n'est pas prise de ton cœur. Homme-femme, l'amour n'a pas de frontières. Guerre, fratricide, viol, pédophilie, crime impuni, condamné par erreur. Juge, juriste de ce monde qui tourne dans le vide. Corps diplomatique, trafic, esclavage moderne dans les quartiers chics. Famille de la misère, force les taudis à faire boutique. De la sueur, de leur sang, de leur cœur, de leur corps. En paix, y'a pas réveillé l'esprit guerrier. On rame dans cette galère car on a pas pied. Les requins de bec, même si t'es un mec honnête. Drapeau américain crame aux quatre coins de la planète. Sur la croisette, ils veulent décrocher la panne. La jet set fait la fête pendant que les quartiers s'enflamment. Mais la machine judiciaire est bien huilée. Maria ne sort pas de chez elle, même si elle est voilée. Elle envoie les chiens de Babylone en promenade. Sur l'instru, Maclick lâche les grenades. Chaque coin de rue, trafic de hache. Prend du fric cash à plus la poule. Arsuciés chez nos airs des quartiers lourds. Nous cherche pas dans tes bizarreries. Si t'es pas pour la cause, va te faire. Je prends pas terre notre rap militant. On est sur le terre-terre par tous les temps. 9-7-4-9-4, toujours pas de limite. Toujours pas de limite, toujours pas de limite. Tu as d'autant plus de petit courage. Peut-être pas de chaud de petit courage. C'est la war ce soir, la chasse au corps est ouverte. Sois vaillant soldat, il ne faut pas que tu désertes. Cherche pas, entre eux et nous y'a trop d'écart. On est soudés comme en temps de guerre, parce que ces deux cars nous entendent guerre. 9-7-4-9-4, toujours pas de limite. Toujours pas de limite, toujours pas de limite. T'as ton plus petit courage. Peut-être pas de chaud petit courage. C'est la war ce soir, la chasse aux morts est ouverte. Sois vaillant soldat, il ne faut pas que tu désertes. Cherche pas, entre eux et nous y'a trop d'écart. On est soudés comme en temps de guerre, parce que ces tocards nous entendent guerre.